بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نكمل اليوم سورة الشرح. Aujourd'hui on va finir donc dans ce cours numéro 100 on va finir سورة الشرح إن شاء الله تعالى. On était arrivé à la parole d'Allah تبارك وتعالى ورفعنا لك ذكرك et nous avons élevé ta renommée. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Certes, il y a avec la difficulté une facilité. Certes, il y a avec la difficulté une facilité. Fa idha faragta fansab. Alors lorsque tu te libères, quand tu te libères, alors lève-toi. Wa ila rabbika farghab. Et à ton Seigneur, aspire. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il dit dans le sens rapproché, dans la traduction des sens rapprochés, et nous avons élevé pour toi ta renommée. هَذَا أَمْرٌ يَشْهَدُ لَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ. Ça c'est un sujet que les musulmans et les non-musulmans vont attester. Que la renommée du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été élevée. Tellement elle est citée. Et tellement eux vont le citer. Wa qad ra'ayna fi durusi as-sira annahu laysa hunaka ahad kataba aw kutiba fi siratihi kama kutiba fi sirati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et on a vu dans les cours de sira, de biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la biographie de quiconque n'a été écrite comme cela a été fait pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Combien de livres ont été écrits pour lui, pour parler de sa vie, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa kadhalika idha hanat as-salat. رفع المؤذن صوته يكبر الله تبارك وتعالى ثم يشهد بكلمة التوحيد ثم يشهد أن محمد رسول الله. Et aussi lorsque vient le moment de la prière, alors le muadhin va élever la voix en faisant le takbir, il dit Allahu Akbar. Et ensuite, il va témoigner, attester par la parole de l'unicité, « La ilaha illallah ». Et ensuite, il va dire, « Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». J'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. « Fa dhikruhu marfou'. » Et donc, la renommée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est élevée. « Wa kadhalika al-muslimoun, umouman yusalluna alayhi idha dhukir ». De façon générale, les musulmans vont invoquer en sa faveur lorsqu'il est cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa kadhalika yusalluna alayhi fi salatihim 'inda at-tashahhud. Et aussi, ils vont invoquer pour lui durant la prière pendant le tashahhud. Et cela aussi fait partie d'élever la renommée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa kadhalika ذِكْرُهُ مَرْفُوعَ فِي كُلِّ الْعِبَادَاتِ. Il faut savoir aussi que sa renommée est élevée dans toutes les adorations, sallallahu alayhi wa sallam. لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي قَبُولِ الْعِبَادَةِ أَن تَكُونَ مُوَافِقَةً لِسُنَّتِهِ sallallahu alayhi wa sallam. Car il est mis en condition dans tout acte d'adoration qu'il soit conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لأنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Car c'est lui qui a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui accomplit un acte qui n'est pas conforme à notre ordre, à notre législation, alors son acte est rejeté. فالمتابع للرسول sallallahu alayhi wa sallam يحرص أن يكون عمله موافقا للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا من رفع ذكره. Et donc celui qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va s'efforcer de faire en sorte que son acte soit conforme à la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela aussi fait partie du fait d'élever sa renommée sallallahu alayhi wa sallam. وهذا يذكرنا أيها الإخوة بمسألة مهمة هي الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. Et cela nous rappelle un sujet très important, ô chers frères. Ce sujet, c'est le fait de critiquer le prophète, de dénigrer le prophète صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع العلماء على كفر الطاعن في النبي صلى الله عليه وسلم. Certes, les savants sont unanimes sur la mécréance de celui qui dénigre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certes, il y a beaucoup de formes dont que les gens utilisent pour le dénigrer sallallahu alayhi wa sallam. Comme certains peuvent le faire en disant qu'il s'est radicalisé, arrivé à Médine ou autre. Tout cela, c'est du kufr, c'est de la mécréance. وهؤلاء الذين يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم لا يضره ذلك فإنهم يضرون أنفسهم فإن ذكره مرفوع. Et donc ces gens-là qui vont critiquer le prophète صلى الله عليه وسلم, il faut savoir que cela ne lui fait aucun tort. Au contraire, ils se font du tort à eux-mêmes, car lui, sa renommée, elle est élevée. Allah tabaraka wa ta'ala a élevé sa renommée. لِذَا نَتَعَجَّبُ مِمَّنْ يَقَعُ فِي الْإِرْهَابِ وَيَظُنُّ أَنَّهُ يَنْصُرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Et c'est pour cela que nous sommes surpris, étonnés de ceux qui vont tomber dans le terrorisme prétextant défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. النبي ذكره مرفوع وهذا الطاعن لا يضر الا نفسه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa renommée a été élevée. Cet homme qui le dénigre ne fait du tort qu'à lui-même. Et donc, il n'a pas besoin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tu accomplisses cet acte terroriste que tu vas faire. وهذه المسألة سنرجع ونعود إليها إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الكوثر. Et ce même sujet, on va revenir et citer ce sujet avec plus de détails بإذن الله تعالى lorsqu'on va aborder le tafsir, l'explication de سورة الكوثر بإذن الله تعالى. Ensuite, Allah تبارك وتعالى qui dit فإن مع العسر يسرا. Inna ma'al usri yusra. Il y a certes avec la difficulté une facilité. Il y a certes avec la difficulté une facilité. Antum tulahidun anna Allah tabaraka wa ta'ala dhakara al-usra mu'arrafan fil ayatayn. Et donc vous remarquez que Allah tabaraka wa ta'ala a cité la difficulté de façon définie. Al-usr. Il a cité la difficulté de façon définie dans les deux versets. Khilafan lil yusr fa innahu nakira fil ayatayn. Contrairement à la facilité qui, elle, est indéfinie dans les deux versets. C'est-à-dire, comme on dit dans la traduction, par exemple, pour traduire un téléphone, donc de façon indéfinie, un téléphone, sans dire quel est ce téléphone. Donc ça, c'est indéfini, un téléphone. De façon définie, on va dire le téléphone. Et donc ici, Allah tabaraka wa ta'ala a abordé ce sujet, il a parlé de la difficulté de façon définie, la difficulté. Par contre, concernant la facilité, Allah tabaraka wa ta'ala l'a cité de façon indéfinie, yusran, il n'y a pas de alif wa lam. Donc, une facilité. فَقَالَتِ الْعُلَمَاءُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْعُسْرَ الْمَذْكُورَ فِي الْآيَةِ الْأُولَى هُوَ الْعُسْرُ الْمَذْكُورُ فِي الْآيَةِ الثَّانِيَةِ. Les savants disent cela, c'est parce que la difficulté qui est citée dans le premier verset, c'est la même qui est citée dans le deuxième verset. C'est la même qui est citée dans le deuxième verset. Ammal yusr fa yusrani mukhtalifan. En ce qui concerne la facilité, alors nous avons deux facilités différentes. Nous avons deux facilités différentes. Idan, indana yusrani ma'a usrin wahid. Et donc nous avons deux facilités avec une difficulté. Fa idha jaa al-usru fatayaqqan ya 'Abdallah anna ma'ahu yusran. Anna ma'ahu yusrayn. Et donc, si il y a une quelconque difficulté qui vient, alors sois sûr, ô serviteur d'Allah, que cette difficulté est accompagnée de deux facilités. فَهَذَا الْكَلَمُ هُوَ كَلَمُ اللَّهِ. Cette parole, c'est la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. فَلَا تَشُكَّ فِيهِ. Alors ne doute pas de cette parole. كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ إِذَا أَصَابَهُمْ أَمْرٌ فِيهِ عُسْرٌ رَكَّزُوا عَلَى الْعُسْرِ وَلَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَى الْيُسْرِ وَلَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَى الْيُسْرِ الَّذِي يَصْحَبُهُ. Beaucoup de personnes, lorsqu'il y a un sujet difficile qui les touche, tu vas les voir s'accrocher, se concentrer à cette difficulté sans pour autant remarquer ou accorder de l'importance à la facilité qui est présente avec cette difficulté. Lida, nu'idu qawla an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que nous répétons la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ajaban li amri al-mu'min fa inna amrahu kullahu khayr. La situation du croyant est surprenante, car certes, toute sa situation est un bien. Toute la situation du croyant est un bien. Lida nakulu li ikhwanina wa akhawatina alladhina asabahum ma fihi usrun la tayasu. Fa inna Allah ta'ala akhbarana bi anna al-usra al-wahid yashabuhu yusran wallahu huwa al-qa'il wa man asdaqu min Allah qila. Et c'est pour cela que nous disons à tous nos frères et sœurs qui sont touchés par des difficultés. Alors, nous leur disons, ne désespérez pas, car Allah tabaraka wa ta'ala nous a informé que chaque difficulté a avec elle deux facilités. Et certes, Allah tabaraka wa ta'ala, c'est celui qui a dit, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, qui est plus véridique qu'Allah dans la parole. Qui est plus véridique qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala qui dit, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Dans certaines traductions, donc, ils disent, et lorsque tu te libères, alors lève-toi. فَانْصَبْ. فَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أي, إِذَا فَرَغْتَ مِنْ صَلَاتِكَ, إِذَا انْتَهَيْتَ مِنَ الصَّلَاتِ, فَشْرَعْ. Certains savants disent, lorsque tu termines ta prière, alors commence le dhikr. Et donc, dès que tu finis ta prière, enchaîne avec le dhikr, le fait de faire le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala, d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Et il y a eu d'autres avis des savants sur ce sujet. وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَهُ الْعَلَّامَةُ الْإِبْنُ الْعُثَيْمِينَ رَحِمَهُ اللَّهِ. Et quelle belle parole qu'a prononcé, qu'a dit le shaykh, le très savant Ibn al-Uthaymin rahimahullah. Il dit, إِذَا فَرَغْتَ مِنْ أَعْمَالِكِ فَانْصَبْ لِعَمَلٍ آخَرٍ يَعْنِي إِتْعَبْ لِعَمَلٍ آخَرٍ لَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا تَضِيعُ عَلَيْكِ لِذَا كَانَتْ حَيَاةُ الْإِنسَانِ الْعَاقِلِ حَيَاةَ جَدٍ كَمَا كُلَّمَا فَرَغَ مِنْ عَمَلٍ شَرَعَ فِي عَمَلٍ آخَرٍ وَهَكَذَا. Et donc il nous dit, Cheikh Ibn al-Uthaymin rahimahullah, lorsque tu finis ce que tu faisais, tu finis tes actes que tu accomplissais, alors va accomplir autre chose. C'est-à-dire, fatigue-toi dans l'accomplissement d'autre chose. Ne laisse pas la dunya se perdre avec toi. Ne laisse pas le temps se perdre avec toi. Et c'est pour cela que la vie de ceux, de l'individu qui est aqil, de l'individu qui est doué de raison, c'est une vie de difficulté, une vie d'effort, hayatu jiddin. Il fait des efforts. L'idée, ensuite le cheikh Ibn Uthaymin, il continue, il dit, kullama faragha min amalin, shara'a fi amalin akhar. À chaque fois qu'il finit quelque chose, alors il commence autre chose. Il commence une autre action, il commence un autre acte de piété. Wa hakada, et ainsi de suite. Ayyuha al-ikhwa, ihtammu bi awqatikum. Oh mes frères, faites attention à votre temps. Faites attention à votre temps. Fa inna sawani allati dhahabat la ta'oud. Les secondes qui sont parties ne reviennent pas. Fa ma balukum bid daqa'iq was sa'at allati tadi'u fi al mahallat wal mata'im wal akl wash shurb wad dahik. Que devons-nous dire de toutes ces minutes et de toutes ces heures que nous perdons dans les magasins, dans les restaurants, dans le fait de boire, manger, de rigoler, plaisanter, autres. Ya ikhwa, combien de temps on dort dans la journée? Ihsab, fais le calcul. Combien de temps tu dors dans une journée? Multiplie ça par 365. Multiplie-le par 365, tu verras le nombre de temps que tu as dormi dans l'année. C'est énorme! C'est énorme, nous devons faire attention à notre temps. Lorsque tu finis quelque chose, alors enchaîne avec autre chose. Ne laisse pas la dunya se perdre, ne laisse pas ton temps se perdre, le temps ne revient pas. Le temps ne revient pas, parfois on est là comme ça, on attend. T'es là. Une heure qui passe, deux. On n'a pas fait grand chose. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala, il incite les serviteurs à faire attention à leur temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam incitait les croyants à faire attention à leur temps. Il a cité deux bienfaits auxquels les gens ne font pas suffisamment attention. Lesquels? As-sihhatu wal farah. La santé ainsi que le temps libre. On a du temps libre et on est là, on le laisse partir. Comme ça, sans l'utiliser correctement. Lorsque tu finis un acte d'adoration, lorsque tu finis un acte de bien, alors enchaîne avec un autre. Tu finis ton travail, alors enchaîne avec un autre acte de bien. Et on ne doit pas perdre notre temps dans des choses futiles. Allah tabaraka wa ta'ala qui finit cette sourate en disant « Wa ila rabbika farghab » et à ton Seigneur aspire. Et donc, « Fa'Allah tabaraka wa ta'ala » يأمر عباده بالإخلاص له تبارك وتعالى. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala ordonne à ses serviteurs de lui accorder un culte exclusif. Il a terminé donc cette sourate avec la base qui est le tawhid. Car si tu as compris tout ce qui précède, mais que tu n'as pas compris ce dernier verset, cela ne te sert à rien. C'est la base de l'islam. Tout l'islam est basé sur ce point essentiel. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de préserver nos cœurs de toute maladie, le polythéisme, l'innovation, les péchés, la perversion et autres. Allah tabaraka wa ta'ala est capable de toutes choses. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khayran.